إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc dans l'explication et dans le sharh de الأصول الثلاثة الشيخ صالح الفوزان. Et on est dans le cours 40 aujourd'hui. On est dans la partie où le cheikh explique al-asl al-thalith, huwa ma'rifatu nabiyyikum, la connaissance de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui il est, c'était quoi sa mission, c'était quoi sa da'wa, c'était quoi son message, à quoi il a appelé les hommes. Donc maintenant on est arrivé à un point spécifique dans justement la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle en arabe al-isra ou al-mi'raj. Al-Isra ou Al-Mi'raj, ça veut dire, Al-Isra c'est un voyage de nuit, et Al-Mi'raj c'est une ascension, donc c'est le voyage nocturne et l'ascension, on dit en arabe Al-Isra ou Al-Mi'raj, et c'est un événement qui s'est produit dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam au début de sa mission, que Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait faire ce voyage nocturne de la ville de Médine jusqu'en Palestine, et de la Palestine, Bayt al-Maqdis, jusqu'au dernier des cieux. Hein? Donc ça c'est qu'est-ce qu'on appelle l'Isra wa al-Mi'raj. Tout ça dans une nuit. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit وَبَعْدَ الْعَشْرِ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَفُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسِ وَصَلَّ فِي مَكَّةَ ثَلَاثَ سِنِينَ. Donc après ces 10 années, les 10 premières années de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à Mecca, Allah subhanahu wa ta'ala yani l'a élevé au dernier des cieux, et c'est là que Allah subhanahu wa ta'ala lui a rendu obligatoire les 5 prières quotidiennes qu'on fait chaque jour. Et après cette occasion, ou après cet événement, donc les 5 prières ont été obligatoires, ou les prières ont été rendues obligatoires pour les musulmans, et il a prié pendant 3 ans dans la ville de Mecca. Il a continué à faire ses prières pendant 3 ans, parce qu'on sait qu'il est resté 13 ans à Mecca, puis 10 ans à Médine. Donc la 10e année, il y a eu Al-Isra wa Al-Miraj, il y a eu l'ordonnance ou l'obligation de la prière, les 5 prières par jour, puis pendant 3 ans, donc il a fait ses 5 prières à Mecca avant de faire la hijra. Maintenant on va lire l'explication de Cheikh Al-Fawzan à ce sujet. Cheikh Al-Fawzan il dit qawluhu rahimahullah wa ba'da al-ashri 'urija bihi ila as-samaa wa baqiya sallallahu alayhi wa sallam 'ashra sinin 'ala hadha yanha 'an ash-shirk wa yad'u 'ila at-tawhid يؤسس هذا الأساس ثم في السنة 11 أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله بينما هو صلى الله عليه وسلم نائم في بيت أم هاني جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام ومعه دابة يقال لها البراق أقل من البغل وفوق الحمار ويقع خطوه عند مد بصره فأركب صلى الله عليه وسلم عليها وذهب به إلى بيت المقدس في الليل. Donc le cheikh il explique que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit après les 10 premières années on l'a élevé au dernier des cieux, c'est-à-dire que pendant 10 ans il est resté sur qu'est-ce qu'on a expliqué, c'est-à-dire sur le fait d'interdire le shirk, l'interdiction de l'adoration des idoles, l'interdiction de l'adoration des prophètes ou des images ou des arbres ou des pierres ou de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Il interdisait aux gens de faire ces choses-là parce que c'est de l'idolâtrie. Et il les invite au tawhid, c'est-à-dire il les invite à l'adoration d'Allah seul. Et il a donc installé et établi ce fondement qui est la base de la religion, le fondement de l'islam. Puis ensuite, quand c'est arrivé à la 11e année, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait faire ce voyage nocturne de la mosquée Masjid al-Haram à Mecca. Tantôt j'ai dit de Médine jusqu'à Bayt al-Maqdis, c'est une erreur, c'est de Mecca, la mosquée de Mecca, la Mecque, jusqu'à Al-Masjid al-Aqsa. Donc il a fait ce voyage nocturne, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait faire ce voyage là comme il le mentionne dans le verset 1, le premier verset dans surat Al-Isra, même un verset à ce sujet là dans le Coran qui dit gloire à celui qui a fait son serviteur voyager de nuit de la mosquée Al-Haram à la Mecque jusqu'à la mosquée Al-Aqsa en Palestine. Donc ça c'est le verset en question. C'est ce que signifie le verset. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de dormir dans la maison de Umm Hani, Jibril alayhi salam est venu. Et il avait avec lui une monture qu'on appelle Al-Buraq. Al-Buraq, c'est plus petit qu'un âne et plus grand qu'une, un peu plus gros qu'une mule. Hein, Al-Baghal, c'est Al-Baghal ou Al-Himar, c'est la mule et l'âne, non? Je pense que c'est ça. Donc, Allahu A'lam. Donc, la particularité de cet animal ou de cette créature que Allah subhanahu wa ta'ala a créée, qui s'appelle Al-Buraq, c'est que quand elle fait un pas, eh bien, elle traverse la distance de la limite de ce que ton œil peut atteindre. Maddul basar. Donc ça veut dire que en un pas elle atteint l'horizon, tu vois. Donc elle avance très rapidement cet animal ou cette créature. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur Al-Buraq et le Buraq l'a amené jusqu'à Bayt al-Maqdis durant la nuit. Wa usriya usriya ou asra يعني من السير وهو السير بالليل وهذا من خواصه صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام فالتقى هناك مع الأنبياء في بيت المقدس ثم إنه عرج إلى السماء يعني رفع من بيت المقدس إلى السماء بصحبة جبريل ومعنى العروج الصعود فأسري به من مكة إلى بيت المقدس وعرج به من بيت المقدس إلى السماء يعني صعد به جبريل عليه السلام وأمر بأهل السماوات كل سماء يستفتح جبريل يعني فيستفتح جبريل فيفتح له ثم انتهى إلى السماء السابعة. Donc le cheikh il explique ensuite que le mot asra ou le verbe asra, yani, c'est-à-dire, ça vient de asari, qui veut dire le faire un voyage durant la nuit. Et ça fait partie des particularités du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il est arrivé à Bayt al-Maqdis, il a rencontré les prophètes. Il a été réuni avec les prophètes. Puis, à partir de cet endroit, en Palestine, Bayt al-Maqdis, Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé jusqu'aux cieux, au septième cieux. Il l'a élevé de Bayt al-Maqdis en compagnie de Jibril, alayhi salam, et il l'a élevé. Il l'a Hein, il lui a fait faire cette ascension. Donc, il a fait le voyage de la Mecque jusqu'à Bayt al-Maqdis, puis de Bayt al-Maqdis, il est monté avec Djibril, hein, et il est passé par les habitants des cieux. Chaque fois qu'il arrivait à un ciel différent, Djibril demandait qu'on lui ouvre les portes du ciel ou les portes de ce ciel, puis on lui ouvrait. À chaque ciel, il y a des portes. Donc, il demandait donc qu'on lui ouvre les portes et on lui ouvrait les portes et il passait à l'autre ciel qui est au-dessus. ثم صعد فوق السماوات إلى سدرة المنتهى وعندها كلمه الله وكلمه الله من وحيه بما شاء ففرض عليه الصلوات الخمس ففرض في اليوم والليلة 50 صلاة ثم موسى عليه السلام أشار على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن يسأل ربه التخفيف فإن أمته لا تتيق 50 صلاة في اليوم والليلة فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجع ربه يسأله التخفيف حتى انتهت إلى 50. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que après donc, il est monté jusqu'au-dessus des cieux, jusqu'à un endroit qu'on appelle Sidratil Muntaha. Hein? C'est un arbre qui est au-dessus des cieux. Exact, c'est ça. Sidratil Muntaha. Sidrat, c'est une sorte d'arbre. En français, c'est le jujubier. Et Al Muntaha, c'est-à-dire, yani, c'est l'arbre qui est à la limite. Et à cet endroit-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui a parlé. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala lui a parlé. Et lui a donné une révélation directe. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est là que Allah subhanahu wa ta'ala lui a rendu obligatoire les 5 prières quotidiennes. Sauf que cette nuit-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui avait ordonné de faire 50 en premier. 50 prières. Subhanallah. Imaginez si aujourd'hui on devait encore aujourd'hui faire 50 prières pendant le jour et pendant la nuit. Il y a des gens qui se plaignent de faire 5 ou qui trouvent ça difficile de faire 5. Alors imaginez 50. Et 50, si on faisait 50, ça allait être très difficile pour nous. Hein? Eh non, c'est même, tu vois, donc avec toutes les difficultés et les contraintes de la vie moderne, de la vie actuelle, ça serait très difficile de faire 50. Donc, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam 50, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti, est descendu, et il a rencontré le prophète Moussa alayhi sallam. Et le prophète Moussa alayhi sallam a dit à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de retourner demander à son Seigneur pour qu'il allège un peu, qu'il diminue l'ordre, l'obligation. Parce que, il a dit, ta umma, ta nation, ne sera pas capable de supporter ça. Ça va être trop lourd. 50 prières par jour et par nuit, c'est trop pour ta umma. Alors, il est remonté, demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'alléger un peu. Et il est redescendu. Et Moussa, alayhi salam, lui a dit, retourne encore, redemande à Allah subhanahu wa ta'ala d'alléger encore l'obligation. Il a continué à retourner jusqu'à ce qu'il rabaisse ou qu'il diminue le nombre de prières par jour à 5. Et à 5, Moussa, alayhi salam, lui a dit de retourner encore pour diminuer. Et il a dit, j'ai été gêné de retourner demander encore. Alors, le nombre est resté à 5. Et, yani, comme on va lire dans les paroles du Cheikh maintenant, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à partir de ce moment-là? Il a dit, فقال الله جل عز وجل كما في حديث الإسراء والمعراج أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة عشرا وفي رواية أنس عن أبي ذر فقال هي خمس وهي خمسون أي خمس في العمل وخمسون في الميزان. Donc Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là il a dit, comme c'est mentionné dans le hadith de Al-Isra et Al-Mi'raj qui est rapporté par Al-Bukhari selon Malik ibn Sa'sa'a, il dit que ça y est, j'ai établi mon obligation et j'ai allégé pour mon serviteur et je récompense la bonne action par 10. Hein, comme s'il multiplie par 10 la bonne action. Et dans une autre narration, selon Abi Dhar, radiallahu anhu, rapporté dans Al-Bukhari, il dit, elles sont 5, mais elles sont 50. C'est-à-dire, elles sont 5 dans l'action, on en fait 5 par jour, mais dans la balance, elles comptent pour 50. C'est-à-dire que malgré que on ne fait pas 50 prières par jour, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la récompense de 50. De 50 prières, malgré qu'on n'en fait que 5. Et il dit, خمس صلوات في اليوم والليلة تعادل 50 صلاة في الميزان لأن الحسنة بعشر أمثالها فالصلاة الواحدة عن عشر صلوات فالإسراء ذكر أول سورة سبحان يعني وسورة بني إسرائيل سورة بني إسرائيل والمعراج ذكر أول سورة النجم لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذا في المعراج. Donc ces cinq prières jour, durant le jour et la nuit qui équivalent à 50 prières dans la balance parce que la bonne action elle est récompensée par 10 fois sa valeur. Donc une seule salat, c'est comme si quand on fait une seule salat, elle a la valeur de 10. Hein? Donc ça c'est, ça montre la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs. Et Al-Isra, ça a été mentionné, comme on a dit, le voyage nocturne de la Mecque à Bayt al-Maqdis est mentionné dans le premier verset de Surat Subhan. On l'appelle Subhan, on l'appelle Surat Bani Israël, et on appelle aussi cette Surat Surat Al-Isra. Donc elle a plusieurs noms. Okay? Et donc ça c'est pour Al-Isra. Et Al-Mi'raj, il est mentionné dans le dans la Surat Al-Najm, verset 13 à 18. Donc le cheikh il a donc cité ces versets là de 13 à 18. Il l'a pourtant vu lors d'une autre descente près de la Sidratul Muntaha, le lotus de la limite. Dans la traduction il l'appelle le lotus de la limite, un arbre au septième ciel que l'ange Gabriel ne pouvait dépasser. Ce fut lors de l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc près de Sidratul Muntaha, près d'elle se trouve le jardin de Ma'wa. Le jardin de Ma'wa, yani l'asile paradisiaque. Au moment où le lotus était couvert de ce qui le couvrait, la vue n'a nullement dévié ni outrepassé sa mesure. Il a bien vu certaines des grandes merveilles de son Seigneur. Donc ça c'est les versets qui sont mentionnés et c'est Al-Mi'raj. Ça parle ces versets là parlent de l'événement de l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam au dernier des cieux. Il dit ensuite thumma innahu nazala min as-sama' ila bayt al-maqdis thumma innahu raja'a ila makkah fi laylatihi falamma asbaha واخبر الناس بذلك المؤمنون زاد ايمانهم اما الكفار فزاد شرهم وفرحوا بذلك وراحوا يشهرون به او يشهرون به كيف يزعم صاحبكم انه ذهب الى بيت المقدس ورجع منه في ليله واحده ونحن نضرب اكباد الابل اليها شهرا ذهابا وشهرا ايابا يقيسون قدرة الخالق بقدرة المخلوق فكان الإسراء والمعراج امتحانا من الله عز وجل للناس. المشركون زاد تندرهم وشرهم وتنقصهم للرسول صلى الله عليه وسلم, والمؤمنون زاد إيمانهم. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il explique? Il dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est redescendu et qu'il est revenu de Bayt al-Maqdis, il est retourné à Mecca cette nuit-là, lorsqu'il s'est levé le matin, il a informé les gens de ce qui était arrivé. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc il a dit aux gens, durant la nuit, je suis allé à Bayt al-Maqdis, et je suis parti au dernier des cieux, et puis je suis revenu la même nuit, pendant cette nuit. Alors, les croyants, lorsqu'ils ont entendu ça, ça a augmenté leur foi. Tandis que les kuffars, ça les a augmentés en mal. Et ils se sont réjouis de ça. Ils ont dit, ah ça y est, maintenant on a un argument contre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On va pouvoir utiliser cette histoire pour faire du tort à sa da'wa, pour dire des choses contre lui, pour dire regardez qu'est-ce qu'il raconte, hein? Parce qu'ils ne croyaient pas en cette chose. Donc ils ont commencé à propager cette rumeur-là et cette information-là parmi les gens, de dire, et ils disaient aux musulmans, votre compagnon, il prétend qu'en une nuit il est allé à Bayt al-Maqdis, hein? Et qu'il est revenu. Alors que nous, quand on fait nos voyages pour aller à Bayt al-Maqdis en chameau, ça nous prend un mois pour aller, un mois pour revenir. Lui, il dit, il a fait ça en une seule nuit, il ne croyait pas. Hein? Et le cheikh dit, pourquoi? Parce qu'ils essayaient de comparer la force d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, à la force des êtres humains qui est faible. Hein? Donc c'est normal que si tu fais cette comparaison-là, tu ne vas pas croire que ça c'est possible. Hein? Le cheikh, il dit, donc, Al-Isra ou Al-Mi'raj, ça a été un test de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les hommes. Et les mushrikoun, lorsqu'ils ont entendu ça, ils sont devenus encore plus mauvais et ils ont commencé à insulter et à rabaisser encore plus le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que les croyants, eh bien, ça a augmenté leur foi et ça a augmenté leur conviction en l'islam. فلهذا لما قال المشركون لأبي بكر الصديق رضي الله عنه انظر إلى صاحبك ماذا قال؟ قال ماذا قال؟ قال يزعم أنه ذهب به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء وإنه جاء في ليلة واحدة. قال أبو بكر الصديق إن كان قاله فهو كما قال لقد صدق. قالوا كيف ذلك؟ قال أنا أصدقه فيما هو أعظم من ذلك, أنا أصدقه في خبر السماء ينزل عليه, فكيف لا أصدقه في الإسراء إلى بيت المقدس؟ وهذا بقدرة الله عز وجل, لا بقدرة الرسول صلى الله عليه وسلم, وإنما هو بقدرة الله عز وجل. وهذا من معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كراماته عند ربه عز وجل. Donc le cheikh nous raconte qu'est-ce qui s'est passé entre Abu Bakr radiallahu anhu et les mushrikoun, et une des raisons pourquoi on l'a appelé As-Siddiq, hein, celui qui est véridique. Eh bien, les mushrikoun sont venus voir le Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit revenu justement de Al-Isra wa Al-Mi'raj. Et ils ont dit à Abu Bakr, parce qu'Abu Bakr n'était même pas encore au courant que cette chose-là s'était produite. Hein? Donc, ils sont allés voir Abu Bakr et ils ont dit à Abu Bakr, regarde qu'est-ce que ton compagnon raconte. Abu Bakr radiallahu anhu, il a dit, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit? Ils ont dit, il prétend qu'il est allé à Bayt al-Maqdis et qu'il est monté jusqu'aux cieux, puis qu'il est revenu la même nuit, dans une nuit. Abu Bakr radiallahu anhu, il a dit, si il l'a dit, alors j'y crois. C'est tel qu'il l'a dit. Si il l'a dit, alors c'est tel qu'il l'a dit. Il a dit vrai. Alors les mushrikoun ont dit, comment Comment tu peux dire ça? Il a répondu à Abu Bakr radiallahu anhu, moi j'ai déjà cru en lui dans quelque chose de plus grand que ça. Hein? J'ai cru en lui lorsqu'il m'a dit qu'il a des paroles ou des informations qui lui sont révélées du ciel. Alors comment je ne vais pas croire en lui lorsqu'il dit qu'il est monté au dernier des cieux ou qu'il est allé à Beit al-Maqdis? Ça, c'est, et le cheikh, donc, il raconte cette histoire qui est rapportée dans Al-Mustadrak de l'imam Hakim. C'est un hadith rapporté selon Aïcha, radiallahu anha. À partir de ce moment-là, Abu Bakr, radiallahu anhu, il a été nommé As-Siddiq, c'est-à-dire le véridique. Et, les mouchriquins ont été enragés de cette position de la part du professeur, de la part d'Abu Bakr al-Siddiq, mais ça montre la fermeté de la foi d'Abu Bakr, radiallahu anhu. Il dit que ce qui est arrivé dans l'Isra ou le Miraj, ça fait partie de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, non de la puissance du messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas par sa propre force qu'il a fait ça. Il a uniquement fait ça par la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie des miracles de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam et ça fait partie de ses prodiges auprès de son Seigneur. ولا بد من الاعتقاد انه صلى الله عليه وسلم اسري وعرج بروحه وجسمه معا يقظه لا مناما. Il dit qu'il est obligatoire pour le musulman de croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce voyage nocturne et qu'il a été élevé au dernier des cieux avec son corps et son âme ensemble et en état d'éveil et non en état de sommeil, c'est-à-dire c'est pas un rêve. Hein? Il était éveillé et il était avec son corps et son âme. Le cheikh dit لأن بعض الناس يقولون أسري بروحه وأما جسده فلم يبرح مكة وإنما أسري وعرج بروحه وهذا كلام باطل بل إنه أسري بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام وحمل على البراق وكان ذلك يقظة لا مناما إذ لو كان بروحه فقط أو كان مناما فما الفرق بينه وبين الرؤيا والله جل وعلا يقول سبحان الذي أسرى بعبده. Donc le cheikh il dit parce qu'il y a certaines personnes qui disent qu'il est élevé, hein, qu'il a fait ce voyage nocturne seulement avec son âme, mais que son corps est resté à Mecca. Et il a été élevé, il a fait l'ascension seulement avec son âme. Et le cheikh il dit ça c'est une parole totalement fausse. Cette parole là elle est totalement fausse. Allah subhanahu wa ta'ala a fait faire au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce voyage nocturne avec son corps et avec son âme ensemble et il l'a porté sur Al-Buraq et ça c'était en état d'éveil et non en état de sommeil. Hein? Il n'était pas en train de dormir ou de rêver. Sinon, quelle serait la différence entre Al-Isra et Al-Mi'raj et une vision ou un rêve qu'il peut faire si ce n'était pas réel? Hein? Donc c'est la preuve que c'est totalement faux, puisque Allah subhanahu wa ta'ala il dit gloire à celui qui a fait faire à son serviteur un voyage nocturne. Donc c'est la preuve que c'est vrai, puisqu'il dit son serviteur al-abd. Et le cheikh dit فالعبد يطلق على الروح والبدن جميعا لا يطلق على الروح وحدها أنها عبد ولا يطلق على البدن وحده أنه عبد لا يطلق إلا على مجموع الروح والبدن. لم يقل سبحان الذي أسري بروح عبده أو أسرى بروح عبده بل قال أسرى بعبده والعبد هو مجموع الروح والبدن والله جل وعلا لا يعجزه شيء وهو القادر على كل شيء. Donc le cheikh il dit que lorsqu'on dit le serviteur, ça inclut le corps et l'âme ensemble. On ne dit pas le serviteur seulement que c'est l'âme seulement. Et on ne dit pas non plus que c'est le corps seulement. Quand on dit le serviteur, ça implique, ça comprend les deux. Le corps et l'âme. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit gloire à celui qui a fait faire à l'âme de son serviteur. Il a dit gloire à celui qui a fait faire à son serviteur. Donc, le serviteur, c'est les deux, le corps et l'âme. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas faible et il n'est pas incapable. Il a le pouvoir de faire ce genre de choses. Hein? Il a le pouvoir de toutes choses. وقال رحمه الله وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة ثلاث سنين. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit ensuite, puis les cinq prières ont été rendues obligatoires pour lui et il a prié à Mecca pendant trois ans. Cheikh Al-Fawzan, il dit, وكان يصليها ركعتين ركعتين فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أتمت الرباعية إلى أربع إلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة وبقيت ركعتين كما هي وإلا المغرب فإنه ثلاث من أول ما فرضت لأنها وتر النهار وأما الظهر والعصر والعشاء فكانت في مكة ركعتين ركعتين فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أتمت أربع ركعات. Le Cheikh explique que au début à la Mecque, quand le prophète صلى الله عليه وسلم a prié pendant les trois années qui restaient à la Mecque avant de faire la hijra, il faisait toutes les prières deux rak'at, sauf le maghrib. Hein? Il faisait rak'atain, rak'atain. Ça veut dire le fajr, deux rak'at. Zohr, deux rak'at. Asr, deux rak'at. Le maghrib, trois rak'at. Puis l'isha, deux rak'at. Mais quand il est arrivé, il a fait la hijra, il est arrivé à Médine, celle qu'on fait quatre rak'at, il a commencé à les faire quatre quand il est arrivé à Médine. Donc, il a laissé Fajr deux raka'at, parce que dans le Fajr, la prière de l'aube, on prolonge la récitation du Coran. Puis, le Maghrib, il est resté tel quel, trois raka'at, parce que c'est le witr de la journée. Parce que la nuit, on fait le witr, c'est-à-dire la prière impaire. Et la prière impaire de la journée, c'est la prière de Maghrib. Donc, c'était toujours resté trois. Et la prière de Dhuhr, de Asr et de Isha, au lieu d'être deux rak'at, sont devenues quatre rak'at. Le Cheikh dit ensuite, comme dans le hadith, أول ما فرضت الصلاة ركعتين. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أتمت صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر. وهذا بإجماع أهل العلم أن الصلاة فرضت بمكة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمكة لكن اختلفوا هل هي فرضت قبل الهجرة بثلاث سنين وهذا هو الراجح كما ذكر الشيخ هنا وقيل قبل الهجرة بخمس سنين وقيل قبل الهجرة بسنة واحدة وقيل بسنة ونصف ولكن الراجح هو ما ذكره الشيخ أنها قبل الهجرة بثلاث سنين. Donc le Cheikh il explique que c'est mentionné dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Aisha radiallahu anha que au début que la prière a été ordonnée c'était rak'atain, les prières étaient de deux rak'at. Puis lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra, les gens ont complété, on a commencé à compléter la prière lorsqu'on était résident, hein, lorsqu'on restait sur place. Puis la prière du voyageur est restée comme à la Mecque, comme elle était à la Mecque, c'est-à-dire rak'atain, rak'atain. Donc quand on est en voyage par exemple, on ne va pas faire le dhuhr, le asr et le isha, on ne va pas les faire 4 rak'at, on va les faire 2 rak'at seulement, comme c'était à l'origine. Et donc ça c'est la position des ulama à l'unanimité. Hein, il y a un consensus à ce sujet-là. Puis, les prières ont été donc ordonnées à Mecca au début. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a priées, les a faites à Mecca. Mais le point de divergence, c'est sur la question suivante est-ce que c'était 3 ans avant la Hijra ou non, ou autre? Il y a divergence entre les savants. Mais l'opinion qui mentionne que c'était 3 ans avant la Hijra que la salat a été ordonnée, ça c'est l'opinion la plus correcte. Et c'est ce que le cheikh a mentionné, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné. Sinon, il y a d'autres savants qui ont mentionné, ou d'autres qui ont mentionné que c'était 5 ans avant. D'autres ont dit que c'était une année avant la Hijra. D'autres ont dit une année et demie. Mais la position correcte, c'est qu'est-ce que le cheikh il a mentionné, que c'était 3 années avant la Hijra. Hein? Donc, oui, c'est ça. 3 années qu'il est resté à Mecca. Donc, on a lu qu'est-ce qui était dit à ce sujet. Maintenant, on passe à un autre sujet qui est la question de la Hijra vers Médine. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté Mecca pour aller à Médine, il a fait la Hijra, c'est-à-dire il a émigré. Le cheikh dit « Wa ba'daha umira bil hijrati ila al-Madina ». Alors, il reste une partie au sujet de ce qu'on a lu avant. Je n'avais pas vu. Il dit « Wa hal furida ma'a s-salat shay akhar min arkan al-islam wa hadha mahallu khilafin bayna al-ulama منهم من يرى أن الزكاة فرضت أيضا بمكة وإنما بينت أنصبتها ومقاديرها وإنما بينت أنصبتها ومقاديرها وأهل الزكاة في المدينة وأما أصل فرضيتها فهو في مكة والدليل قوله تعالى وأتوا حقه يوم حصاده والمراد بحقه هنا الزكاة والسورة مكية كلها وكذلك في قوله والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم أيضا هذه السورة مكية والمراد بالحق المعلوم الزكاة ففرض أصلها في مكة ولكن بينت تفاصيلها في المدينة وهذا قول والقول الثاني وهو الذي يظهر من كلام الشيخ هنا أن الزكاة إنما فرضت في المدينة ولم يفرض في مكة غير الركن الأول وهو التوحيد والركن الثاني وهو الصلاة وهذا ظاهر كلام الشيخ. Donc, qu'est-ce qu'il explique le cheikh ici? Il dit, est-ce qu'on avait ordonné ou est-ce qu'on a rendu obligatoire, en plus de la salat, un autre parmi les piliers de l'islam? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un autre des piliers de l'islam qui a été ordonné avec la salat? Le cheikh dit ça, c'est une autre question sur laquelle il y a une divergence entre les ulama. Certains parmi les savants considèrent que la zakat avait été ordonnée aussi à Mecca. Et que on a seulement clarifié les limites et les minimums et les quantités et qui sont les gens qui méritent la zakat à Médine. Les détails ont été expliqués et clarifiés à Médine. Toutefois, l'ordre de la zakat à la base avait été ordonné à Mecca. Ça c'est une position entre les positions des ulama, et la preuve qu'il mentionne à ce sujet-là, c'est le verset, par exemple, le verset 141 dans Sourate Al-An'am, et donner son droit au moment de la récolte. Ça, c'est au sujet de la zakat pour les fruits et les choses de ce genre, les grains et les fruits. والمراد بحقه هنا الزكاة. Qu'est-ce qu'on veut dire par son droit, le fait de donner son droit, c'est-à-dire de donner la zakat. Et cette sourate, qui est sourate Al-An'am, c'est une sourate qui est makkiya. Elle a été révélée à Mecca. De même que le verset dans sourate Al-Ma'arij 24 et 25, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et ceux dans les biens desquels il y a un droit bien connu. Hein? » Un droit bien connu ou prédéterminé pour le mendiant ou la personne qui demande et les déshérité. Donc, ça c'est un autre verset qui mentionne un droit, et certains savants ont dit que ici le droit en question qui est connu, c'est la zakat. Donc, ils disent qu'à la base, elle avait été ordonnée à Mecca, mais que les détails de son obligation ont été clarifiés par la suite à Médine. Donc, ça, c'est une position. Et l'autre position, c'est ce qui est apparent dans la parole du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans ce qu'il a écrit ici dans le Surah Salata, c'est que la zakat a été ordonnée uniquement à Médine. Et à la Mecque, c'est seulement le tawhid, qui est le premier pilier, et la salat qui a été ordonnée à la Mecque. Hein? Ça, c'est ce qui est apparent de la parole du Cheikh. Ensuite, donc, au sujet de qu'est-ce qu'on va lire maintenant, c'est Al-Hijra et Al-Madina. Hein? La Hijra vers Médine. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, donc, après Al-Isra et Al-Mi'raj, et après qu'il y ait eu l'ordonnance de la salat, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au messager sallallahu alayhi wa sallam de faire la hijra. Le Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit qawluhu rahimahullah wa ba'daha umira bil hijrati ila al-Madina lamma ishtadda adha Quraysh wa zada sharruhum bis-sadd an sabilillah wa mudayaqati al-muslimin wa ta'di وتعذيب من ليس له جماعة تحميه من مستضعف المسلمين أذن الله سبحانه وتعالى للمسلمين بالهجرة إلى الحبشة والهجرة الأولى لأن فيها ملكا لا يظلم أحد عنده وكان نصرانيا ولكنه كان عادلا هاجر منهم نفر كثير فلما علمت قريش بهجرتهم إلى الحبشة أرسلوا في طلبهم منذوبين من دهات قريش أحدهم أو أحدهما عمرو بن العاص ومعهما الهدايا للنجاشي وقالوا إن هؤلاء فروا منا وهم أقاربنا نريد أن يرجعوا وإنهم أشرار لا يفسدون في بلدك إلى آخره وأعطاه الهدايا التي معهم ليغروه ولكنه رحمه الله استدعى المهاجرين وسمع منهم وخيرهم فاختاروا البقاء في الحبشة فرجع المندوبان خائبين وبقي من بقي في الحبشة من المهاجرين. Ça, c'est une histoire hein, qui est arrivée, qui est expliquée justement lorsque les difficultés et les mauvais traitements des gens de Quraysh ont commencé à augmenter contre les musulmans pour obstruer le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour donner de la difficulté aux musulmans hein, et qu'ils ont commencé à torturer les musulmans qui n'avaient pas de groupe avec eux ou de tribus qui pouvaient les protéger parmi les musulmans qui étaient faibles. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a donné la permission aux musulmans de faire la hijra vers l'Éthiopie. Et c'était la première hijra. Il y avait en Éthiopie à l'époque un roi qui était juste et personne n'était opprimé auprès de lui. Il ne faisait d'injustice à personne. Et c'était un roi qui était chrétien. Mais il était juste. Donc, un groupe d'entre les musulmans s'est enfui vers l'Éthiopie hein, pour aller se réfugier auprès de ce roi éthiopien. Lorsque les gens de Quraysh ont su que un groupe d'entre les musulmans sont partis et ont fait la hijra vers l'Éthiopie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des gens en Éthiopie pour aller les chercher et les ramener de force à la Mecque. Parmi eux, Amr ibn al-As et un autre également, je crois que c'était Ja'far ou quoi, Allahu a'lam si je me trompe, et ils avaient amené avec eux des cadeaux pour Al-Najashi, le roi éthiopien. Et ils ont dit à ce roi éthiopien, les gens de Quraysh ont dit au roi, ceux-là se sont enfuis de chez nous. Ils sont parmi les gens de nos proches. Et ce sont des gens mauvais. Et ils font du désordre chez nous. On veut pas qu'ils vont, on veut pas qu'ils commencent à faire du tort chez vous aussi et qu'ils commencent à faire du désordre en Éthiopie. Donc on vient les chercher. Et ils ont dit plein d'autres mensonges aussi. Hein? Et c'est ça ce qu'ils font les gens de l'égarement, les gens qui combattent la vérité, qui combattent l'islam. Ils veulent toujours parler contre les croyants et donner aux croyants une mauvaise image, une mauvaise réputation, hein, pour leur faire du tort et pour faire du tort à l'islam. Alors, ils ont donné des cadeaux à Al-Najashi pour le tromper, pour le séduire, pour qu'il accepte de remettre, de leur remettre les musulmans pour qu'ils retournent avec eux. Mais Al-Najashi, il était un homme juste et un homme intelligent. Il n'a pas juste pris la parole de ces gens-là pour, hein, pour acquis ou pour compte. Non. Il a dit, je dois entendre qu'est-ce qu'ils ont à dire avant de les juger. Hein? Et ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui est honnête et qui est juste. Il ne va pas accuser quelqu'un ou condamner quelqu'un par rapport à qu'est-ce que des gens racontent à leur sujet sans premièrement leur donner la possibilité de se défendre eux-mêmes et de laisser entendre ce qu'ils ont à dire, hein, pour se défendre. Alors il les a appelés, il a appelé les muhajirines et il les a écoutés et il leur a donné le choix de rester en Éthiopie ou de retourner avec les gens de Quraysh, et ils ont décidé de rester en Éthiopie. Donc ça, c'était la première hijra. Bien entendu, il y a une longue histoire de comment ça s'est produit, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé, les échanges qu'il y a eu, hein, et c'est très intéressant, c'est une très belle histoire aussi, hein, mais Cheikh, il a raccourci. Barakallahu fik. Premièrement, le film Le Messager, il faut savoir que la majorité des ulama de l'islam ont interdit la production de ce film. Pour différentes raisons. Et parmi les raisons qu'ils ont mentionnées, c'est qu'on n'a pas le droit de jouer le rôle ou de représenter les sahaba. Ça, c'est quelque chose qui est sacré. Et on n'a pas le droit non plus de faire du théâtre ou du cinéma puis montrer ça au nom de l'islam. C'est comme si, en plus, tu vas prendre des musulmans pour jouer le rôle des koufars. Et tu te fais passer pour un kafir, puis tu dis des paroles de kufr, puis tu dis mais j'ai pas le choix, c'est mon rôle. Non, t'as pas le droit de dire des paroles de kufr et de dire des paroles d'égarement ou de jouer le rôle d'un kafir, puis tu dis que t'es un musulman. Et ça, c'est juste un exemple, mais aussi il y a beaucoup d'autres raisons aussi, le fait qu'il y a des choses haram là-dedans. Ils ont représenté des gens, même un kafir, pour jouer le rôle d'un musulman, le rôle de Hamza et tout. Bon, il y en a beaucoup d'autres exemples comme ça. Puis dans le livre, bon, si vous regardez au début de ce film, dans l'introduction, c'est écrit que ceux qui ont donné la permission pour faire ce film, c'est les chiites de l'Iran, puis les soi-disant Al-Azhar, l'école de Al-Azhar en Égypte. C'est eux qui ont donné l'approbation, soi-disant, pour faire le film. Alors qu'il y a Rabitat al-Alam al-Islami, la Ligue mondiale musulmane, qui a réuni un grand nombre de ulama pour discuter justement de ce film et qui ont, à l'unanimité, décidé que ce genre de choses-là était interdite. Et il y a des fatwas qui sont sortis à ce sujet-là pour expliquer que c'est haram de le faire. D'accord ? Et dans le film, il y a plein de choses qui sont fausses, qui ne sont pas authentiques, que des gens, à cause de ça, ont commencé à faire en croyant que c'était justement quelque chose qui fait partie de la sunna, alors que non, ça ne fait pas partie de la sunna. Hein? C'est pour ça qu'il faut se méfier de ce qu'on voit dans ce film-là. Puis, qu'est-ce qu'ils ont montré, par exemple, dans la visite de Najashi lorsque les Sahaba sont partis en Éthiopie? Je ne me souviens plus réellement de qu'est-ce qu'ils ont montré dans le film. Sauf que, yani, si quelqu'un veut vraiment comprendre ou savoir ces choses-là, il n'a qu'à retourner au livre de Sira Nabawiya, hein, qui explique la vie et la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'écouter les ulama, comment ils ont expliqué qu'est-ce qui s'est passé dans ces situations, dans cet événement-là, pour comprendre. On n'a pas à faire des cinémas ou des films pour savoir ces choses-là. Hein? C'est pas nécessaire. Et des ulama ont vécu des siècles avant nous, sans jamais utiliser ce genre de moyens-là, et ils étaient plus savants de la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous. Et ils l'avaient mieux compris et ils appliquaient mieux l'islam que nous. Nous, aujourd'hui, on utilise tous ces moyens-là et on reste, malgré ça, des ignorants. Hein, et on reste faible par rapport aux générations qui nous ont précédés dans l'islam. Donc, on n'a pas besoin de ce genre de choses pour apprendre notre religion. Si ceux qui étaient là avant nous, qui étaient meilleurs que nous, s'en sont abstenus, s'en sont passés, s'en sont exemptés, donc nous, on est encore... On devrait être capable nous aussi de s'en exempter si on veut être des musulmans nous aussi. Ça c'est juste une note en passant. Donc Al-Najashi leur a remis leur cadeau, il n'a pas accepté et il les a renvoyés, hein? Il les a renvoyés kha'ibin, c'est-à-dire ils n'ont rien. Ils n'ont rien pu acquérir de ce voyage qu'ils ont fait. Ils n'ont pas ramené les musulmans et ils n'ont pas réussi à convaincre An-Najash. Ils sont retournés perdants. Ok. Ensuite, le cheikh dit: Thumma inna Allah manna ala An-Najash fa aslam wa hasuna islamahu. فلما توفي صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه صلاة الغائب فكان في هجرتهم إليه خير له أيضا هداه الله بسببهم فدخل في الإسلام. للشيخ الزي كأنسفت الله سبحانه وتعالى أفى An-Najashi, le roi de l'Éthiopie, la faveur et la grâce d'entrer en islam, de le guider à l'islam. Alors il s'est converti à l'islam et il est devenu un bon musulman. An-Najashi, le roi de l'Éthiopie, est devenu un bon musulman. Et lorsqu'il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les compagnons ont fait sur lui la prière de l'absent. C'est-à-dire la prière qu'on fait pour le mort lorsqu'il n'est pas présent. Hein? Et le fait que les musulmans aient fait la hijra vers lui, ça a eu un bon impact et ça a été une cause dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala le guide à l'islam. D'accord? ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من الأنصار في منى في موسم الحج فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل. Donc là maintenant le cheikh il explique comment est arrivée la deuxième hijra, la hijra vers Médine, hein, parce que la première hijra c'était vers Mecca, vers l'Éthiopie, la deuxième hijra c'était vers le Médina. Donc il dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré un groupe de personnes durant la période du Hajj. Ils sont venus de Médine. Il y a un groupe d'entre les Ansar. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج يذهب الى منازل العرب في منى ويدعوهم الى الله وصادف من لقي اناسا من الانصار فدعاهم إلى الله فعرض عليهم ما عنده فقبلوا من الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته وبايعوه على الإسلام ورجعوا إلى قومهم من موسم الحج فدعوهم إلى الله عز وجل فوافى في الموسم الذي بعده أكثر من الموسم الأول. جاء أناس من الأنصار وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية أي عند جمرة العقبة، فبايعوه على الإسلام وعلى أن يناصروه إذا هاجر إليهم وأن يحموه مما يحمون منه أنفسهم وأولادهم. Donc le cheikh explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude chaque année de se présenter aux différentes tribus et de présenter sa da'wa aux différentes tribus des Arabes de l'époque. Parce que lorsqu'il venait pour le Hajj, les différentes tribus avaient chacune leur station. Chaque tribu avait sa station à Mina. D'accord ? Et il s'installait. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait les visiter. Et il leur présentait sa da'wa. Et il a rencontré un groupe d'entre les gens de Médine. Alors il les a appelés à Allah. Et il leur a présenté ce qu'il avait à présenter au sujet de l'islam. Et ils ont accepté la da'wa du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ils lui ont donné la bay'a à l'islam. Ils lui ont donné l'allégeance. Qu'ils allaient croire en lui et le défendre et supporter sa da'wa. Ils sont retournés à Médine. Et ils ont appelé leur peuple. À l'année suivante, ils sont revenus avec, pour le Hajj, ils sont revenus encore une fois avec plus de monde encore. Plus de musulmans qui étaient avec eux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a réunis près de Al-Aqaba, Jamratul Aqaba, et il a pris avec eux la deuxième allégeance. D'accord ? Qu'ils allaient défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, défendre sa da'wah, le protéger comme ils allaient protéger leur propre personne et leurs enfants. فعند ذلك أي بعد هذه البيعة المباركة أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان في مكة من المسلمين بالهجرة إلى المدينة، وهاجر من هاجر إلى المدينة، وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه، ثم إن الله أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة. Donc, à ce moment-là, à partir de cette bay'a, cette allégeance bénie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ceux qui étaient à Mecca parmi les musulmans de faire la hijra vers Al-Madina. Alors, ceux qui étaient à Médine ont fait la hijra vers ceux qui étaient à Mecca ont fait la hijra vers Médine. Et il y en a un petit nombre d'entre les compagnons qui sont restés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a donné la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire la hijra lui aussi. فلما علمت قريش بهجرة الصحابة إلى المدينة وعلموا بالبيعة التي حصلت بينه وبين الأنصار خافوا أن يلحق الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه في المدينة ويتكون له قوة وتكون لهم منعة. ففي هذه الليلة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الهجرة جاءوا وحاصروا البيت ووقفوا عند الباب معهم أصلحتهم يريدون الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر الله نبيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن ينام على فراشه حتى يراه المشركون ويظنون أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فنام علي رضي الله عنه على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغطى بغطاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار المشركون ينتظرون خروجه على أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم وهم لا يشعرون. أعمى الله بصائرهم عنه وأخذ ترابا وذره على رؤوسهم وخرج من بينهم وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وخرج فذهب إلى غار الثور أو إلى غار ثور فاختفيا فيه ثلاثة أيام وقريش تطلب من الناس العثور عليه بأي وسيلة حيا أو ميتا. qu'est-ce qu'il dit? Le cheikh, il explique que, donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt, lorsque Quraysh ont su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien, lorsque Quraysh ont su que les sahaba ont commencé à faire la hijra à Médine, et qu'ils ont su qu'il y avait eu une allégeance entre lui et les Ansar, entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Ansar, ils ont eu peur que le messager sallallahu alayhi wa sallam parte rejoindre les compagnons à Médine pour commencer à constituer une force et pour qu'ils aillent une certaine force à Médine. Alors, ils ont comploté, ils ont planifié de l'assassiner. Ils ont planifié d'assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, dans la nuit dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait planifié de partir pour faire la hijra, les gens de Quraysh se sont placés autour de la maison. Ils ont encerclé la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils se sont tenus près de la porte avec leurs armes et ils veulent tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a informé son messager de ce que les gens de Quraysh veulent faire. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pensé à un plan pour s'en aller. Il a fait Ali radiallahu anhu dormir dans son lit à sa place. Il a demandé à Ali radiallahu anhu de dormir à sa place dans son lit. Donc Ali radiallahu anhu s'est placé dans le lit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il a mis sur lui la couverture. Les gens de Quraysh, eux, pensent que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dort, alors que c'est Ali, radiallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti pendant ce temps-là. Eux, ils ne l'ont pas vu. Allah subhanahu wa ta'ala les a aveuglés et les a empêchés de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris de la terre et il l'a placé sur leur tête pendant qu'ils sont en train d'attendre la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ne peuvent pas le voir. Hein? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti avec Abu Bakr, radiallahu anhu, et ils sont partis tous les deux vers la grotte qu'on appelle la grotte de Thawr. Et ils se sont cachés pendant 3 jours dans cette grotte. Pendant ce temps, Quraysh sont en train de le chercher partout. Et ils veulent l'attraper. Et ils veulent sa peau à tout prix. Ils sont prêts à le retrouver mort ou vif. C'est-à-dire vivant ou mort. Hein? Ils ont mis un prix sur sa tête. فَلَمَّا يَأْسَ مِنَ الْعُثُورِ عَلَيْهِ بَعْدَ الْبَحْثِ وَالتَّنْقِيبِ أَغَارُوا بِالْجَوَائِزِ مَا يَأْتِ بِهِ صلى الله عليه وسلم حيا وميتا أو حيا أو ميتا فلما أيسوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه أو صاحبه من الغار وركبوا الرواحل وذهبوا إلى المدينة. Donc lorsqu'ils étaient tannés de ou fatigués de le chercher, ils ont commencé à offrir des rançons à toute personne qui ramènerait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vivant ou mort, comme je disais. Et lorsqu'ils ont perdu l'espoir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec son compagnon et ils ont pris leur monture et ils sont partis vers Médine. Donc ça, c'est qu'est-ce qui s'était produit à cette époque? Nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui à ce sujet et on continuera demain la suite de l'explication qu'est-ce que le cheikh a dit au sujet de la hijra. Et naam. Donc, subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.